السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما continue ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan dans son explication de Nawaqid al-Islam. حفظه الله ونجي الدرس الثالث في شرح الناقد الثاني. قال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم شفاعة ويتوكل عليه ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Le Cheikh Mohammed ibn Wahhab il a dit, quand il fait ce miséricorde, celui qui prend entre lui et Allah des intermédiaires, qu'il invoque et à qui demande l'intercession, et à qui, en qui met sa confiance, kafara ijma'an, qui devait mécréant, ça c'est un consensus des savants. Cette parole-là, là, il a pris de la parole du Cheikh Islam ibn Taymiyyah, quasiment pareil que ce qu'a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Il a dit, le Cheikh Fawzan a dit, قال رحمه الله الثاني أي من نواقض الإسلام، c'est-à-dire deuxième parmi les annulatifs de l'islam، deuxième parmi les annulatifs de l'islam، من يتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، celui qui prend entre lui et Allah des intermédiaires à qui demande à qui l'invoque et à qui demande la shafa'a l'intercession et en qui met sa confiance qui devient mécréant et ça c'est un consensus des savants. قوله من يتخذ بينه وبين الله وسائطا أي وسائطا من الخلق يتوسطون له عند الله بزعمهم هذه المسألة مسألة الوسيطة بين الله وخلقه فيها تفصيل كما قال الشيخ الإسلام. نعم الشيخ a dit que ce qui veut dire là par celui qui met entre lui et Allah Azza wa Jalla les intermédiaires, c'est-à-dire qu'il prend les intermédiaires parmi les créatures, et qu'il prend comme intermédiaire selon ce qu'ils prétendent. Et le Cheikh a dit que cette masala-là, il faut détailler. Il y a un tafsil, il faut bien détailler pour expliquer. Comme il a expliqué Cheikh Islam Damien dans son livre Majmou'a Fatawa, dans une des fatawa à laquelle il a répondu à cette question-là. Il a dit فَمَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ وَاسِطَةٍ بَيْنَ اللَّهِ بَيْنَ خَلْقِهِ فَإِنَّهُ يُسْأَلْ مَا مَقْصُودُهُ بِالْوَاسِطَةِ. Celui qui dit qu'il faut absolument un intermédiaire entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures, on lui demande qu'est-ce que tu veux dire par intermédiaire. فإن كان المقصود أنه لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذا صحيح. هذه واسطة لا بد منها من أنكرها كفر. لا بد من واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل من الملائكة والبشر. فمن أنكر هذه الواسطة كفر. فمن أنكر الملائكة والرسل الذين يؤتون بشرع الله وقال لا حاجة إليهم نحن نتصل بالله بدونهم كما تقوله الصوفية إنهم يأخذون من الله عن الله مباشرة بلا واسطة فهذا كفر بالإجماع. Donc le Cheikh a dit que si jamais il veut dire qu'il faut absolument un intermédiaire entre nous et Allah pour transmettre son message entre nous et Allah, il faut un intermédiaire pour transmettre son message. Il a dit فهذا صحيح, ça c'est correct. Et cet intermédiaire là c'est obligatoire. Il a dit que celui qui le blâme devient mécréant. Il faut absolument un intermédiaire entre nous et Allah pour transmettre son message et sa législation. Et ces intermédiaires là ce sont les prophètes parmi les messagers et les anges, parmi les anges et les messagers. Et celui qui nie cela, il devient mécréant. Il a dit ça c'est un consensus des savants. Et comme ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires, qu'on prend directement dans l'eau sans intermédiaire, comme disait Sophie, qui prend directement dans l'eau Azza wa Jal sans intermédiaire. Il a dit que ça c'est du kufr. Ça c'est un consensus des savants. Ils sont tous d'accord sur ça. Même Cheikh Islam Damien a dit que toutes les religions sont d'accord par rapport à ça, que ce soit les musulmans ou les chrétiens ou les juifs, sont tous d'accord par rapport à ça, qu'il faut absolument un intermédiaire entre nous et Allah pour transmettre son messager, son message. أي وهناك واسطة من أثبتها فقد كفر وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي أن يتخذ واسطة بينه وبين الله يدعوهم ويطلب منهم شفاعة يتوكل عليهم هذه واسطة فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا. Il a dit qu'il y a un autre type d'intermédiaire que celui qui dit qu'elle existe, il devient mécréant. Et c'est ce dont le Cheikh parle, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'elle lui fasse miséricorde. C'est que la personne prend un intermédiaire entre elle et Allah et elle l'invoque et elle leur demande la shafa'a, l'intercession et elle met sa confiance en eux. Il a dit que celui qui affirme que cet intermédiaire-là il existe entre nous et Allah, il devient mécréant. Il a dit « Liannahu la wasita baynana bayna Allahi fi ibadatihi بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة بدون واسطة. D'ailleurs, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. On doit l'adorer directement. Ce qui est obligatoire, c'est qu'on l'invoque et qu'on l'adore sans intermédiaire. وأن نطلب منه شفاعة بدون واسطة وأن نتوكل عليه بدون واسطة بيننا وبين الله. قال تعالى أدعوني أستجب لكم. ما قال أدعوني بواسطة فلان أو اتخذوا واسطة. فهذه الواسطة من أثبتها فقد كفر، وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائطا يصرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله، كما يقول المشركون من قبل يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم الشيخ لدي que ce qui est obligatoire c'est qu'on adore Allah directement et qu'on lui demande directement l'intercession sans intermédiaire et qu'on mette notre confiance en lui directement. Parce que Allah dit Azza wa Jal ادعوني استجب لكم، il a dit invoquez-moi je vous exaucerai، invoquez-moi et je exaucerai vos invocations. Il a pas dit invoquez-moi par l'intermédiaire d'un tel ou prenez des intermédiaires entre moi et vous. Donc cet intermédiaire-là, celui qui l'affirme, il devient mécréant parce qu'il met entre lui et Allah des intermédiaires que l'un il n'a pas désigné et il leur donne une partie de l'adoration pour que, soi-disant, il rapproche d'Allah. Comme disaient les mouchikoun avant, comme Allah il a dit ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est ni nuisible ni profitable et ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ensuite il a dit فهذا يسمى عبادة. Le Cheikh a dit que ça c'est une adoration. الله يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Il a dit est-ce que vous informez d'Allah de ce dont il n'est pas au courant, ni dans les cieux, ni dans la terre. Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui et élevé soit-il, amma yushikun, au-dessus de ceux qui lui associent comme associés. Fasamma hada shirkan, unazzaha nafsahu anhu. Hada huwa hal, ubbad al-amwat, al-adrihat al-an, yattakhidun al-awliya al-salihim wa sa'ibta inda Allah. Yadbahuna lahum inda kuburihim, yandhuluna lahum. ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. فإذا قيل لهم هذا الشرك قالوا هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله ويرزقون مع الله ويدبرون مع الله، إنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله يبلغون الله حوائجنا فيذبحون لهم ويعذبونهم وينذرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم بين الله. فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأولين، كما قال تعالى الذين اتخذوا ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc le cheikh a dit que Allah Azza wa Jalla a appelé ça comme étant de l'adoration et qu'il a appelé ça aussi comme étant du shirk, du polythéisme majeur. Et il s'est purifié lui-même de cette chose-là. Il s'est écarté de cette chose-là. Il a dit ça, c'est l'état de ceux qui adorent les tombeaux et les morts et les mausolées. Ils prennent des gens qui sont soi-disant des alliés et des pieux comme intermédiaire entre eux et Allah. Ils égorgent pour eux auprès de leur tombe et ils font des vœux pieux pour eux. Ils demandent le secours à eux et ils invoquent Allah d'Allah. Ensuite, quand on leur dit que c'est du shirk, du polythéisme, ils disent que non, que ce sont des intermédiaires entre eux et Allah et qu'ils ne croient pas qu'ils créent avec Allah ou qu'ils donnent le rizq avec Allah ou qu'ils administrent l'univers avec Allah et que seulement ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah et qu'eux, ils transmettent leurs besoins à Allah. Et du coup, ils font des vœux pour eux et ils égorgent pour eux et ils les immensifient. Et ils les invoquent sous prétexte que ce sont des intermédiaires entre eux et Allah. Le cheikh a dit que ça c'est le shirk des premiers mouchikins, c'est le shirk du polythéisme des premiers polythéistes, comme elle a dit dans le verset. Et ceux qui prennent en dehors d'Allah des alliés, ils disent qu'on ne les adore que pour qu'ils rapprochent d'Allah. Inna Allah yahkum baynahum. Allah a dit qu'il jugera entre eux en ce sur quoi ils divergent. Et il a dit aussi en vérité, Allah ne guide pas celui qui est menteur et un grand ingrat. Ensuite, le Cheikh a dit فَسَمَّا فِعْلَهُمْ هَذَا كَذِبًا وَكُفْرًا. Ainsi, Allah il a nommé ça comme étant du mensonge et de la mécréance. أما الذي يتخذ وسائل طاعة ويعتقد أنها سبب لا يدعوها ولا يذبحها ولا ينذر لها ويعتقد أن العبادة لله ولا يعبد إلا الله لكن يتخذ الوسائل طاعة على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه ويسأل الله بجاههم وحقهم فعمله هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. Et par contre, celui qui prend l'intermédiaire entre lui et Allah, il pense que sont seulement des sabab, des causes. Et il ne les invoque pas, et il ne gorge pas pour eux, et il ne fait pas de vœux pieux pour eux. Et il sait qu'il a la conviction, la croyance que l'adoration c'est pour Allah seul, et il adore qu'Allah seul. Mais il prend des intermédiaires entre lui et Allah, que ce sont des asbab qui les rapprochent d'Allah, qui les rapprochent d'Allah, selon ce qu'il prétend. Et il demande à Allah par rapport à leur place et leur rang, leur droit, comme ils disent, yani, je le demande par le biais de la baraka d'un tel, ou sa sacralité, ou sa position auprès de toi, ainsi de suite. Il fait amal ou hada bid'a. Ça, c'est une bid'a. C'est une bid'a, c'est une innovation. Et c'est un moyen qui mène au shirk. Mais ce n'est pas du shirk, ce n'est pas du polythéisme majeur, mais c'est une bid'a. L'aïdian Allah lam ya'muruna bi ittikhad al-wasayit fi du'a wa talab al-shafa'a. Pourquoi? Parce qu'Allah ne nous a pas ordonné à Zawajal de prendre des intermédiaires, de prendre des intermédiaires entre nous et lui dans l'invocation et ni dans la demande de l'intercession. Et ça, ce n'est pas une cause pour que l'invocation soit exaucée. Le fait que tu prennes un intermédiaire entre toi et Allah, que ce soit un pieux parmi les pieux ou un prophète parmi les prophètes. Il a dit que ça, c'est le fait de parler sur Allah sans science. Parler sur Allah sans science. Et il faut Allah amarana bi du'a'ihi wa lam ya'muruna bi ittikhad wasa'ita aw wasitatin baynana wa baynahu. Yajibu at-tafriqu bayna al-halatayn. Halati man ya'budu al-wasa'ita wa yazbahu laha wa yanzur wa yataqarrab ilayha wa halati man la ya'buduha wa innama yattakhidhuha bi mathabati wasa'it. تبلغ حاجته لله عز وجل بجاهها وصلاحها ومكانها ومكانتها عند الله فهذا باطل وهو بدعة لأنه إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به. الشيخ il a dit que Allah nous a ordonné à Zawiyah de l'adorer et de l'invoquer, mais il nous a pas ordonné de prendre des intermédiaires entre nous et lui. Donc il faut faire la différence entre les deux choses. L'état de celui qui adore les intermédiaires et égorge pour eux et fait des vœux pieux pour eux et qui se rapproche de elle, et l'état de celui qui les adore pas mais qui prend juste pour des intermédiaires qui transmettent leurs besoins à Allah Azzawajal, se disant par le biais de leur importance et de leur piété. Et le shahid hada bartelun, ça c'est complètement caduque parce que c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que c'est le fait d'inventer une chose qu'Allah n'a pas rendu permis à Zawajal dans la religion. Il a dit que c'est un moyen aussi qui mène au shirk. Et les retardés n'ont عند الأضرحة فيتبركون بترابها وعتابها ويحجون إليها في أوقات معينة. Mais Cheikh a dit que la plupart du temps, ceux de notre époque, les mouchriquins de notre époque, les polythéistes de notre époque, ils ne s'arrêtaient pas au simple fait de les prendre comme intermédiaires, soi-disant, pour que ce soit des gens qui transmettent leurs besoins. Au contraire, il a dit, il leur voue une partie d'adoration. Et la plupart du temps, ils les adorent et ils font des vœux pieux pour eux et ils égorgent pour eux comme ils font auprès des tombeaux. Et ils prennent leur terre, la terre qui est dans leur tombeau, ils cherchent la baraka dans ça. Et ceux qui sont dans leur tombeau aussi, ils cherchent dans la baraka dans ça. Et ils font des pèlerinages. Ils font des pèlerinages comme ils font à Karbala et dans beaucoup d'autres endroits. Et dans des moments précis, que ce soit tous les ans ou tous les deux ans, et restent là-bas, ils font des retraites pieuses auprès des tombeaux. Ils هذا هو شأنهم ودي ديدنهم من قديم منذ بنيت المساجد على القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع هؤلاء فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من البناء على القبور كما قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدا ولا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن هذا أو عن ذلك. Le cheikh a dit qu'il ramène des groupes d'animaux et de bêtes et il les égorge auprès des tombeaux et il cherche à se rapprocher des tombeaux et de ceux qui sont dans les tombeaux en faisant cela et ils prétendent qu'eux ils vont les rapprocher d'Allah et qu'ils vont transmettre à Allah leurs besoins. Il a dit ça c'est leur état, ça c'est leur situation et c'est leur habitude aussi, ils font ça de façon récurrente toutes les années. Ils font des festivals, même des événements nationaux, et c'est leur habitude depuis longtemps, min qadim, depuis que les mosquées ont été construites sur les tombeaux, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est arrivé comme il a informé la communauté, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient avant vous, parmi les juifs et les chrétiens, et yani, ils adoraient, ils prenaient les tombeaux de leurs prophètes et de leurs pieux comme des mosquées. Il a dit Allah fa tattakhidul qubur masajid. Il a dit ne prenez pas les tombeaux comme étant des mosquées. Fa inni anhaakum an dhalik. Yani, ne faites pas des endroits où les gens sont enterrés, des endroits d'adoration, des mosquées. Il a dit je vous interdis ça. Il a dit ça de façon claire. Wa kana hadha mamnu'an fi sadri al-islam min hadhihi al-ummati fi 'asr al-qurun al-mufaddalati wa la yujad shay'un من البنايات على القبور حتى جاءت دولة الفاطميين الشيعة واستولوا على مصر وكثير من البلاد وهم شيعة باطنية فبنوا المساجد أو مشاهد على القبور في مصر وغيرها ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بعد ذلك بسبب هؤلاء الشيعة قبحهم الله فهم أول من بنى على القبور كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Ensuite le cheikh a dit que ça c'était interdit au début de l'islam, au début de la communauté musulmane et au niveau des trois générations qui étaient les meilleures générations, il n'y avait rien parmi les tombeaux dans les mosquées jusqu'à ce que les Fatimiyyins qui sont venus, les Ubaydiyyins qui étaient les Shi'as, les chiites, ils sont arrivés au 4e siècle à peu près, 4e siècle. Il a dit, c'est eux qui ont pris le dessus de Misr, ils ont pris le pouvoir en Égypte, en Misr, et dans beaucoup de pays. Et ce sont des Shi'as de Bataniya, une branche des chiites. Et c'est eux qui ont commencé à construire des mausolées sur les tombeaux en Égypte et dans d'autres endroits. Et ensuite, ça s'est multiplié, c'est devenu de plus en plus nombreux dans les pays musulmans à cause de eux. Et le Shahadi Qabbahamullah, qu'Allah les en ait 10, et que ce sont eux les premiers qui ont construit les tombeaux sur les mosquées. Ils ont construit des mosquées sur les tombeaux, comme il a dit Cheikh Islam Temiya, parce qu'il a dit aussi Cheikh Arabia, pareil, que ce sont les premiers qui ont construit des mosquées sur les tombeaux. Il a dit Waha ula ilam shubuhatun yastadiluna biha bizamim yadunnuna annaha adilla. Il a dit qu'eux, ils ont des shubuhat, des ambiguïtés, qu'ils prennent comme preuve et ils pensent que ce sont des preuves. Mais alors que ce n'est pas le cas. La shubuhat ula annaha min ittikhad al wasila. قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Donc premièrement ils disent que ça, le fait de prendre des intermédiaires, ça fait partie de al-wasila, ce qu'Allah il a dit dans le verset où vous les croyants craignez Allah et recherchez auprès de lui al-wasila, c'est-à-dire ce qui vous rapprochera de lui, وجاهدوا في سبيله, et faites et combattez dans son sentier de sorte à ce que vous réussissiez. Ils ont Le cheikh l'a dit, حفظه الله, فسروا الوسيلة بأن من تجعل بينك بين الله واسطة من الخلق. وفي قوله تعالى, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Il a dit qu'ils ont expliqué le verset al-wasila comme étant le fait que tu mets entre toi et Allah Azza wa Jal l'intermédiaire parmi les créatures. Et il a dit pareil dans le verset où Allah l'a dit Azza wa Jal, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Que ces personnes-là qu'ils invoquent, ils les recherchent auprès de leur Seigneur, al-wasila, la proximité, أيهم أقرب, ils veulent savoir et ils veulent être le plus proche possible d'Allah. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Il a يفسر الوسيلة في الآيتين بأنه اتخاذ الوسائط بينهم بين الله وهذا تفسير باطل لم يقله أئمة التفسير بل أئمة التفسير فسروا الوسيلة بأنها الطاعة بأنها الطاعة والتقرب إلى الله بعبادته الوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله بعبادته وذلك بعبادته وحده لا شريك له والتقرب إليه والتقرب إليه فالطريق الذي يوصل إليه هو عبادته وحده لا شريك له والوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي. Non, le cheikh a dit que eux ont expliqué la wasila comme étant le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, et que ça c'est un tafsir qui est caduque et qui est faux, que personne parmi les savants du tafsir n'a dit ça. Mais les savants du tafsir, au contraire, ils ont dit que le wasila c'est le fait d'obéir à Allah, l'obéissance à Allah et le fait de se rapprocher de lui azzawajal, en l'adorant. Il a dit que le wasila c'est ceux qui rapprochent la personne d'Allah azzawajal, en l'adorant seul et sans rien lui associer et en se rapprochant de lui par les bonnes actions. Il a dit que le chemin qui mène à ceci, c'est le fait de l'adorer à lui seul, sans associer. Donc, elle aussi, là, c'est l'adoration, c'est l'adoration et l'obéissance à Allah, en faisant ce qu'il a ordonné, en laissant ce qu'il a interdit. Dans la langue arabe, le aussi, là, comme il a dit Cheikh Nkiti, c'est la proximité. Comme les savants de Tafsir ont cité un bait de poésie, dans lequel les Arabes disaient « Inna lirrijali alayki wasilatun fi yakhuduki fatakahali wa takhaddabi »« Inna lirrijali alayki wasilatun fi yakhuduki fatakahali wa takhaddabi » Ils ont mis une proximité par rapport à toi. Donc si jamais ils te prennent, « Fatakahali met du kuhl et met du khidab » c'est-à-dire du aîné. Donc la wasila, c'est la proximité. Et comme il a dit cher, ça c'est en faisant les adorations. C'est ça qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite il a dit wa qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahum. Le verset dans sourate Isra dans lequel Allah a dit Azza wa Jalla, ceux qui adorent et recherchent auprès de leur Seigneur al-wasila, la proximité, et ils veulent faire tout pour être le plus proche possible et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Il a dit hafidhahullah, فالمعنى أن الذين يعبدون الملائكة من العرب والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد الله عليهم بأن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم من عبادي يتقربون إلي ويعبدونني وليس لهم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء فهم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة فلا يجوز أن يتخذوا وسائل يتقربوا بواسطتهم إلى الله فقالوا أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة وبعد الرسل كان المسيح عليه السلام هؤلاء عباد الله ليس لهم من الأمر شيء يبتغون إلى الله الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة فهم فقراء إلى الله محتاجون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون آلهة يعبدون من دون الله وهم عباد يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته ويتقربون إليه هذا هو التفسير الآية الذي فسرت به أئمة التفسير. نعم الشيخ dit que le verset dans cette Isra d'Allah l'a dit azzawajal que ceux qui invoquent en dehors de lui ils cherchent auprès de leur Seigneur la proximité pour être le plus proche possible. Et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Que le sens du verset, c'est que ceux qui adorent les Arabes comme les anges, ou ceux qui adorent les chrétiens comme Isa alayhi salam, là il a dit à Zawiel que ceux-là que vous adorez, ce sont mes serviteurs. Et ils veulent se rapprocher de moi, et ils m'adorent à moi, et ils n'ont rien dans le commandement. Et ils n'ont rien non plus dans la seigneurie. Il a dit ainsi, ce sont des adorateurs, des serviteurs d'Allah, qui se rapprochent d'Allah en adorant, et qui espèrent sa miséricorde, et qui craignent son sentiment. Il ne s'est pas permis donc de les prendre comme intermédiaires, et de dire qu'on veut se rapprocher d'Allah par leur intermédiaire à eux. C'est ça qu'il a dit, ceux qui adorent les mouchikines, les polythéistes, comme les anges ou comme certains prophètes, comme Isa alayhi salam, ce sont des serviteurs, ils n'ont rien dans le commandement. C'est-à-dire qu'ils recherchent la proximité auprès de leur Seigneur. Ils ont besoin de leur Seigneur. Ils sont pauvres face à leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Comment est-ce qu'on peut les prendre comme divinité alors que ce sont des créatures qui craignent le châtiment d'Allah et qui espèrent sa miséricorde et qui se rapprochent de lui? Le cheikh a dit que ça, c'est ça le vrai tafsir du verset. Comme le dit le savant du tafsir. يوقيل إن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم فالله أخبر أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله قد أسلموا وصاروا يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون مع الله تعالى وهم من عباده ويعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Le cheikh a dit qu'il y a une deuxième parole par rapport à l'explication de ce verset, c'est que il y avait des gens qui adoraient les djinns parmi les hommes et que les djinns se sont convertis alors que les hommes n'étaient pas au courant. Donc Allah il a dit à Zawajal que ceux que vous adorez, ils se sont convertis et maintenant ils se rapprochent de moi et ils espèrent ma miséricorde et ils craignent mon châtiment. Donc comment est-ce que vous pouvez prendre comme divinité en dehors d'Allah alors que ce sont ses serviteurs et qu'ils adorent Allah et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment? Ensuite, il dit فالآية لها تفسيران صحيحان. Ainsi, il y a deux explications possibles pour le verset, deux tafsir qui sont corrects. تفسير الأول أن المراد بهم الملائكة وبعد الرسل والثاني أن أناسا من الجن يعبدهم المشركون فأسلموا فلم يعلم من يعبدونهم أنهم أسلموا فالله أخبر عنهم على كل ما داموا كذلك فهم عباد يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ولهذا بطل تفسيرهم أن الوسيلة هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينهم بين الله وسقطت حجتهم ولله الحمد. نعم. Il a dit qu'ainsi le verset, il y a deux tafsirs possibles qui sont corrects. Le premier, c'est qu'il s'agit des anges ou de certains prophètes. Et le deuxième, c'est qu'il s'agit de certaines personnes parmi les djinns que les mouchikines, les polythéistes, ils adoraient. Et ensuite, ils sont convertis. Et ceux qui les adoraient n'étaient pas au courant qu'ils se sont convertis. Donc Allah, il a informé qu'ils se sont convertis. Et que du moment qu'ils sont comme ça, ce sont mes serviteurs ou les serviteurs d'Allah. Et qu'ils se rapprochent de lui, qu'ils espèrent sa miséricorde et qu'ils craignent son châtiment. Et qu'il ne s'est pas permis de les prendre comme divinité en dehors d'Allah ou de les prendre comme intermédiaire entre nous et Allah. Le cheikh a dit que du coup, là on voit que leur tafsir, quand ils ont dit que le wasila, c'est le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, c'est un tafsir qui est caduque, qui est faux. Et que leur preuve et leur argument, il est annulé. Wallahi alhamd. Et tout est loin, je reviens à Allah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.